السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc tout d'abord, je m'excuse du retard, mais j'avais des petits problèmes de connexion. Puis sans plus tarder, donc nous continuons la traduction de cette conférence de Cheikh Rabi', cette conférence qui s'intitule « L'obligation de suivre la Sunna ». Et j'avais cité, ou j'avais traduit, la partie dans laquelle Cheikh explique certaines choses qu'il a vues dans le monde musulman, comme adoration des tombes. Puis ensuite le Cheikh poursuit et il dit: Wa ra'aytu manzaran akhara muzdi'a ma al-asaf ash-shadid. Puis j'ai vu une autre scène horrible, malheureusement. فقلت والله لو راى ابو جهل هذه المناظر لخجل منها. Puis je me suis dit par Allah, si Abu Jahl verrait ces choses-là, il en aurait honte. ما كانت قريش تفعل هذا. Les polythéistes de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faisaient pas cela. ما كانوا يصلون الى هذا المنحدر السخيف السحيق. Ils n'arrivaient pas aussi bas dans l'absurdité. هذا يفعله اناس يقولون انهم مسلمون. Ceci, ce sont des choses que des gens font, et ce sont des gens qui se disent musulmans. في الهند بالذات في حيدر اباد رأيت قبرا على حافة الطريق. Donc Cheikh il dit, j'ai vu en Inde, et plus précisément à Hyderabad, qui est une ville de l'Inde, j'ai vu une tombe sur le bord du chemin. يقابله تماما وثن للهنادك. Et juste en face de cette tombe, il y avait quoi? Il y avait une idole chez les hindous. هذا الوثن يمر به الوثنيون يقولون هكذا أي يسلمون وينصرفون. Cette idole que les hindous adoraient dans cette ville, Cheikh il dit, les hindous ils passaient devant et ils faisaient juste un signe de la main, c'est-à-dire qu'ils saluaient la tombe, puis ils passaient leur chemin. أما القبر فبنيت عليه قبة. Quant à la tombe, ils lui ont construit au-dessus d'elle un dôme. وعليه تابوت مجلل بالحرير. Et dans cet endroit, donc il y avait donc un cercueil recouvert de soie. والبخور من أفخر أنواع البخور من العود الغالي يتصاعد. Et tu pouvais voir un encens luxueux, parmi les plus luxueux types d'encens, qui s'élevait au-dessus de ce cercueil. والناس عاكفون خاشعون حول هذا القبر. Et les gens étaient attachés et restaient auprès de cette tombe avec humilité. قُلْنَا لَهُمْ هَؤُلَاء مَاذَا يَقُولُونَ لِلْوَثَنِيِّينَ إِلَى مَاذَا سَيَدْعُونَ مَا هُوَ الْإِسْلَامُ الَّذِي سَيَدْعُونَ إِلَيْهِ. Donc nous avons dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire aux polythéistes hindous? À quoi ils vont les appeler? Quel est l'islam auquel ils vont les appeler? سيجيبونهم والله أنتم تعبدون الأوثان أكثر منا أنتم وثنيون غارقون في الوثنية أكثر منا. Ensuite, Cheikh il dit que si jamais ces personnes qui se disent musulmans et qui adoraient cette tombe, si jamais ils appellent les autres, si jamais ils appellent les hindous à l'islam, les hindous ils vont leur répondre: Wallahi, vous adorez les idoles encore plus que nous. Vous êtes encore plus enracinés dans le polythéisme que nous. Ensuite, Cheikh il dit: وَشَيْءٌ كَثِيرٌ وَكَثِيرٌ وَدَعَوَاتٌ تَقُومُ لَا تُحَرِّكْ أَيَّ سَاكِنٍ مِنْ هَذَا الْوَبَاءِ. Et beaucoup de choses encore. Et tu vois les différents groupes de prêches qui quoi? Qui prêchent à leur groupe et qui ne prêtent aucune attention, qui ne bougent pas le moindre petit doigt pour combattre cette maladie qui est la maladie du shirk. ونحن إذا استعرضنا القرآن الكريم نجد دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما تتجه إلى محاربة هذا اللون من الشرك بالله قبل الانحراف الذي يزعم محاربته السياسيون. Ensuite, Cheikh il dit: et si nous parcourons le Coran, nous verrons que le prêche des prophètes, que le salut et la paix soient sur eux, nous verrons que le prêche des prophètes, la première des choses qu'ils combattaient, c'était quoi? C'était le polythéisme, d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, avant de s'occuper à l'égarement, avant de s'occuper de l'égarement que les prêcheurs politiques prétendent combattre. وقبل غيره من الانحرافات, il combattait le shirk avant de s'occuper de tout autre égarement et déviance. اول ما يبداون به من الاصلاحات في عقائد الناس وفي دين الله وفي حياة الناس ومحاربة الشرك الذي يعيش عليه كثير من المسلمين. Donc la première des choses que les prophètes, la première des choses par laquelle les prophètes commençaient leur réforme concernant les croyances, concernant la religion et concernant la vie des gens, la première des choses qu'ils commençaient à réformer, c'était quoi? C'était de combattre le polythéisme qui malheureusement aujourd'hui beaucoup de musulmans sont dedans. والأحزاب الإسلامية والتكتلات الإسلامية لا تمس هذا الشرك وهذا الضلال وهذه الخرافات لا من قريب ولا من بعيد. Et tu vois les partis, tu trouves les partis islamiques et les groupes islamiques qui ne s'occupent pas, qui ne prêtent pas attention à ce polythéisme, qui ne prêtent pas attention à cet égarement et qui ne prêtent pas attention à ces superstitions, ni de près ni de loin. فَيَتِيهُ كَثِيرٌ مِّن شَبَابِنَا وَيُصْبِحُ مُسْتَخِفًّا بِعَقَائِدِ التَّوْحِيدِ وَبِالدَّعْوَةِ التَّوْحِيدِ وَبِالدَّعْوَةِ إِلَى هَذَا الْمَنْهَجِ وَإِلَى طَرِيقِ الطَّائِفَةِ النَّاجِيَةِ. Et donc tu trouves beaucoup parmi les jeunes qui s'égarent et qui finissent par quoi? qui finissent par minimiser et par dédaigner la croyance du tawhid et l'appel au tawhid, l'appel à cette voie, le chemin du groupe sauvé. هذه دعوة مسكينة يقولون عنها الشرك بدعة. شرك بدعة. Cette pauvre da'wa, qu'est-ce qu'ils disent sur cette da'wa? Ils disent, ces gens-là, dans le sens, ces gens-là, ils n'ont que shirk bid'a, shirk bid'a. Hein, polythéisme et innovation. Cheikh, ensuite, il répond, il dit, eh Allah, l'anbiya alayhim salatu wa salam, kulluhum ja'u yaquloun shirk bid'a. Donc, Cheikh, il dit, ok, oui, par Allah, tous les prophètes sont venus pour dire aux gens, ceci est du polythéisme, ceci est une innovation. Nuh alayhi salam, labitha alfa sanatin illa khamsina ama yad'u ila at-tawhid wa yuharibu ash-shirk. Nuh alayhi salam, Noé, il est resté 950 ans à appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à combattre le polythéisme. ونحن نحارب الشرك ونحارب البدع ونحارب الضلالات على المنهج السلفي. Et nous également, nous combattons le polythéisme et nous combattons les innovations et nous combattons tous les égarements selon la voie des salafs, la voie des pieux prédécesseurs. ونريد لهؤلاء أحلاس القبور أن يرفع راية التوحيد ويخرج من هذه الدوامة. Et nous voulons, pour ces gens qui sont accrochés aux tombes, nous voulons qu'ils élèvent la bannière et l'étendard du tawhid, du monothéisme pur, et qu'ils sortent de ce tourbillon dans lequel ils sont, le tourbillon du shirk, du polythéisme. وتجد الكثير من الدعوات تقاومك. Et tu trouves beaucoup de groupes qui prêchent, qui viennent et qui te combattent. ليتها تسكت وتمشي في طريقها وتترك لك المجال فسيحا لتنقذ بإذن الله هؤلاء الهالكين الذين شهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك. Malheur à ces groupes qui prêchent, si seulement ils se taisaient, qu'ils suivraient leur chemin et qu'ils nous laisseraient le champ libre. Pourquoi? Pour sauver, par la permission d'Allah, ces gens qui sont dans l'égarement, comme en a témoigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laytahum yashtaghiluna bil isti'mar al khayali. Malheur à eux. Pourquoi? Si seulement ils s'occupaient du colonialisme utopique qu'ils sont en train de combattre, ويفعلون ما يريدون, et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ويتركون المجال مفتوحا أمام من يريد هداية هذه الأمة إلى التوحيد وإلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc si seulement ces groupes de prêches, si seulement ils laissaient le champ libre pour ceux qui veulent guider la communauté vers le monothéisme et qui veulent guider la communauté vers la voie des prophètes et vers le prêche des prophètes. وَنَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et nous disons encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et au messager, si toutefois vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est bien mieux et de meilleur aboutissement. Wa qala subhana fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fī mā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā. Également, dans notre verset, Allah SWT dit, dans la traduction rapprochée du sens, non par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs disputes, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne en eux-mêmes envers ceux que tu auras décrété et qu'ils se soumettent entièrement à ta sentence. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَذِّرُ مِنَ الْبِدَعِ وَلَيْسَ ثَمَّةَ بِدَعِ. Certes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en garde contre les innovations, alors qu'à son époque, il n'y avait pas encore d'innovation. وَفِي زَمَانِنَا أَلَافُ الْبِدَعِ تَنْتَشِرُ وَعَلَى رَأْسِهَا تَعْطِيلُ صِفَةِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَعَلَى رَأْسِهَا عِبَادَةُ الْقُبُورِ وَعَلَى رَأْسِهَا خُرَافَاتٌ لَا أَوَّلَ لَهَا وَلَا آخِرٌ فَكَيْفَ يُسْتَكْثَرُ عَلَى مَنْ يُحَارِبُ الْبِدْعَةَ بِالْأَخْذِ وَالرَّدِّ فِيهَا. Et à notre époque, nous voyons des milliers d'innovations qui se répandent. Et à la tête de ces innovations, la négation des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également à leur tête, l'adoration des tombes. Et à leur tête, toutes les superstitions qui n'ont dit ni début ni fin. Toutes ces choses se propagent. Donc comment on peut dire que ceux qui combattent l'innovation aujourd'hui, non, ils en font trop. Wa anta tajid julla khutab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aw kullaha yaftatihuha biqawlihi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd fa inna khayra alhadith kalamullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et tu trouves la majorité des discours du prophète صلى الله عليه وسلم, si ce n'est pas toutes, il les commençait par sa parole. Certes, le meilleur des récits est la parole d'Allah. Et la meilleure des voies est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires choses sont les nouveautés en religion. Car toute nouveauté en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. Wallahi, ma kana yawma idhin mubtadi'a. Par Allah, à cette époque, il n'y avait pas d'innovateur. Lakin limadha kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yukarrir wa yu'akkid. وفي كل خطبه يقول هذا الكلام. Mais pourtant, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de répéter cela et de le confirmer dans tous ses discours? Pourquoi il disait cette parole? لأن البدع شر الأمور. Parce que les innovations sont les pires des choses. لماذا? Pourquoi cela? لأن هذا المبتدع مستدرك على الله تبارك وتعالى. Pourquoi les innovations sont les pires des choses? Parce que l'innovateur, il prétend rectifier Allah subhanahu wa ta'ala. Volontairement ou involontairement. قال الله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Allah il nous dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, ont-ils des associés qui leur ont légiféré en matière de religion ce qu'Allah n'a pas permis. لأن هذا العمل المبتدع لا يقبله الله حتى لو كان صلاة ما دامت مبتدعة. Parce que cet acte innové, Allah ne l'accepte pas. Même si c'est une prière, tant que c'est quelque chose d'innové, Allah ne l'accepte pas. ومن ذلك صلاة الرغائب. Et parmi ceux-là, parmi les innovations, la prière de la demande. فقد قال العلماء فيها منهم ابن الصلاح والنووي وابن عبد السلام وابن تيمية وابو شامة قالوا ان هذه من اخبث البدع. Les savants tels que Ibn Salah et Nawawi et Ibn Abd al-Salam et Ibn Taymiyyah et Abu Shama, ils ont dit sur cette prière, la prière de la demande, ils ont dit que c'est, elle fait partie des pires innovations. Wa hiya salatun wa qira'atu Qur'an. Wa hiya salatun wa qira'atu Qur'an. Alors que quoi? Ils ont dit elle fait partie des pires innovations, alors que quoi? Alors que ce n'est rien d'autre que quoi? Qu'une, de la prière. Ce n'est rien d'autre qu'une prière et de la récitation du Coran. Limada. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرع هذه الصلاة. Car pourquoi? Elle fait partie des pires innovations alors que ce n'est qu'une prière et de la récitation du Coran. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas légiféré. Il n'a pas légiféré cette prière. Il ne l'a pas faite et n'a pas appelé à la faire. ونحن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. Et nous ne devons adorer qu'Allah. Et nous ne devons adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré par l'intermédiaire de son prophète صلى الله عليه وسلم, Muhammad. فإذا جاء إنسان كائنا من كان يشرع لنا عبادة غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تكون بدعة وتكون ضلالة وتكون شرا. Donc si un homme, quel qu'il soit, il vient et il nous légifère une adoration autre que ce avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette adoration est une innovation. Et cette adoration est un égarement et elle est un mal. لأن هذا الدين كامل لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا أبدا. Pourquoi? Parce que cette religion, elle est complète et elle est parfaite. Elle n'a pas besoin que qui que ce soit vienne y ajouter quelque chose de nouveau. قال الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah il nous dit dans la traduction rapprochée du sens du verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli mon bienfait entier à votre égard et j'agrée l'islam comme religion pour vous. فهذه البدع هذه القبور هذه الشركيات كانت الشغل الشاغل كانت الشغل الشاغل للأنبياء جميعا على مدار التاريخ. Donc toutes ces innovations et les tombeaux qui sont adorés et tous les actes de polythéisme, c'était ce qui préoccupait les prophètes avant toute autre chose tout au long de l'histoire. Wallahi inna rasulallahi alayhi salatu wassalam kana yab'athu ila taswiyati al-qubur wa ila hadmi as-suwar fi amn wahid alayhi salatu wassalam. Par Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait des compagnons pour aller aplanir les tombeaux qui étaient élevés jusqu'à les mettre à un niveau qui ne dépasse pas la limite permise par la charia. Et il envoyait des compagnons pour aller détruire les statues. وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته يغطي رأسه بخميصة كما قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم فإذا اغتم بها كشفها ويقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans dans la maladie de laquelle il mourut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les derniers instants de sa vie, il couvrait sa tête avec un tissu. Il couvrait sa tête avec un tissu, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, et comme l'a dit Ibn Abbas radiallahu anhuma. À chaque fois qu'il retrouvait du souffle, il dévoilait son visage et il disait: malheur que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de prière et lieu d'adoration. وقبل أن يموت بخمس كما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Et avant qu'il meure de 5 jours avant qu'il meure, comme ceci est rapporté dans le recueil authentique de Muslim, selon Jundub ibn Abdillah al-Bajali, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 5 jours avant qu'il meure, « Inna Allah attakhadani khalilan, kama attakhada Ibrahim khalila. » Certes, Allah m'a pris comme ami intime, de la même façon qu'il avait pris Ibrahim comme ami intime. « Ala wa inna sahibakum khalilullah. » Certes, votre compagnon, c'est-à-dire yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'ami intime d'Allah. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. Et si je devais prendre un ami intime parmi les gens de ma communauté, ça aurait été Abu Bakr رضي الله عنه. أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدْ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدْ. Puis le prophète sallam a dit, donc ça c'est 5 jours avant qu'il meure, puis il a dit, certes ceux qui étaient avant vous ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière et d'adoration, certes ne prenez pas les tombeaux comme lieu de prière et d'adoration, je vous interdis formellement cela. Yakhafu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yuttakhadha qabruhu masjida. Donc le prophète il craignait que sa tombe soit prise comme lieu de prière et d'adoration. Wa fahimu annahu yuhadhdhir wa kana, et les compagnons ont compris que le prophète par là il était en train de mettre en garde. Wa kana yaqulu fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il disait pendant sa vie, il disait: ne prenez pas ma tombe comme lieu de commémoration, yani un lieu où vous vous rendez constamment. Et ne rendez pas vos maisons semblables à des tombes. Et priez sur moi où que vous soyez, car certes votre prière me parvient. Je vais résumer, Inch'Allah ta'ala. Après le shir, il parle donc de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha, afin que les gens ne puissent pas prendre sa tombe comme un lieu d'adoration. Puis le shir ensuite il explique que ce n'est qu'après. Après la mort de la majorité des compagnons, radiallahu anhum, que un certain gouverneur a voulu agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils ont fait entrer les appartements des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Et beaucoup de compagnons radiallahu anhum et de tabi'in parmi les grands savants, parmi les savants, n'étaient pas d'accord avec cela. Puis ensuite, Cheikh, il explique qu'à l'époque des Mamelouks, c'est-à-dire bien après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où ils ont construit un dôme au-dessus de sa tombe. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni il ne l'a fait, ni il ne l'a ordonné, et ni il n'accepte cela, et ni les compagnons, radiallahu anhum. Et les compagnons, radiallahu anhum, comme Cheikh l'explique, ils ont tout fait pour empêcher cette catastrophe, mais malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé, jusqu'à ce que des gens ont voulu prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lieu d'adoration. Et Cheikh, il explique que les premiers qui ont construit qui ont construit des mausolées, ce sont les chiites rafidites. Ensuite, Cheikh il dit, أما أهل السنة ما كانوا يعرفون البناء على القبور. Quant aux gens de la Sunna, ils ne connaissaient pas les le fait de construire au-dessus des tombes, des mausolées ou autres. إنما ابتدع هذه البدعة الروافد. Ce sont les rafidites chiites qui ont innové cette chose. ثم ورثها منهم باطنية الصوفية. Puis ont hérité cela d'eux, les soufismes, les soufis. الذين ظاهرهم التصوف والتسنن وفي باطنهم زندقة وإلحاد ورفض. Ceux qui en apparence, ils font de l'ascétisme et ils s'adonnent à l'adoration, alors que à l'intérieur, en réalité, ils ont de la mécréance, du blasphème et autres. فهؤلاء تتبعوا القبور وبنوا عليها وشيدوها وشدوا الرحال إليها وأقاموا الاحتفالات والأعياد إلى آخر الأباطل والضلالات التي يعيشها أكثر المسلمين اليوم. Donc ces gens, ils ont cherché après les tombes, et ils ont construit, et ils ont fait des constructions au-dessus, et ils ont voyagé vers les tombes, et ils y ont fait des fêtes. Etc. Parmi les faussetés et les égarements que vivent aujourd'hui beaucoup de musulmans. كل ذلك تسرب إليهم عن طريق الروافد العبيديين. Tout ceci est entré chez les musulmans par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire des chiites rafidites. Et plus précisément les ubaydites. الذين قال فيهم علماء الإسلام ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. Ceux sur qui les savants de l'islam ont dit, en apparence, ces gens-là, ils ont du chiisme et à l'intérieur, ils ont quoi? Ils ont de la mécréance pure. Haoula hum alladhina sannaw hadhihi sunnat al-khabitha. Ce sont ces gens-là qui ont innové cette nouvelle chose mauvaise. Thumma ba'da dhalika intasharat 'ibadatu al-qubur وتشييد القبور على أيدي الصوفية في العالم الإسلامي. Puis après cela, l'adoration des tombes et la construction sur les tombes elle s'est répandue dans le monde musulman à travers les soufis. حتى هذه الجزيرة انتشرت فيها القبور وعبادة القبور والذبح للقبور وشد الرحال إليها والحلف بها والاستغاثة بها إلى آخر ما تشاهده الآن في البلدان الأخرى. Chir, ensuite il dit, même cette péninsule, la péninsule arabique, les tombeaux s'étaient répandus dedans, et l'adoration des tombeaux et les sacrifices qui sont faits pour les morts et les voyages vers les tombes et les jurons au nom des morts, au nom des saints, et la demande de secours aux morts, tout cela s'était répandu même ici dans la péninsule arabique. Toutes les choses que vous voyez aujourd'hui dans les autres pays. ولكن الله تبارك وتعالى طهر هذا البلد على أيدي حملة لواء الدعوة السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وإخوانه الذين اجتهدوا وجاهدوا في إقامة العقيدة وفي إقامة شريعة الله المتكاملة. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a purifié ce pays. Allah a purifié ce pays par l'intermédiaire de ceux qui ont porté l'étendard de la da'wa salafiyya, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ainsi que ses élèves et ses frères qui se sont efforcés et qui ont lutté pour instaurer la croyance authentique et pour instaurer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكانوا إذا دخلوا بلدا فيه قبور هدموا تلك القبور تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبغض رفع القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها أشد البغض ويلعن في ذلك عليه الصلاة والسلام. Et donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et tous ceux qui étaient avec lui à l'époque, parmi ceux qui portaient l'étendard de la da'wa salafiyya, dès qu'ils arrivaient dans une région dans laquelle il y avait des tombeaux qui étaient adorés, ils détruisaient les tombeaux qui étaient, yani les constructions qu'il y avait sur ces tombeaux, conformément à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui détestait l'élévation des tombes et la construction sur les tombes, de construire des mosquées sur les tombes. Le prophète détestait cela grandement et il maudissait ceux qui faisaient cela. فَكَانُوا يُنَفِّذُونَ رَغْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَوَامِيرَهُ وَتَوْجِيهَاتِهِ فِي هَدْمِ هَذِهِ الْقُبُورِ. Donc, ils appliquaient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait. Ils ont appliqué ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait. Ils ont appliqué ses ordres et ses indications, à savoir détruire les tombes qui sont adorées, c'est-à-dire les constructions qui sont adorées au-dessus, les constructions au-dessus des tombes qui sont adorées. وَقَدْ هَدَمُوا قُبُورًا مَا رَأَيْتُمُوهَا وَلَعَلَّ مَنْ تَقَادَمَ بِهِمُ السِّنِّ يكونون قد شاهدوا هذه المقابر التي هدمت. Donc Cheikh il dit, ils ont détruit donc des constructions qu'il y avait sur ces tombes. Vous ne les avez pas vues, mais peut-être que certains parmi les personnes âgées, eux les ont vues, ces tombeaux qui ont été détruits. فأنتم الآن يا شباب الإسلام تعيشون تحت راية التوحيد. Et vous aujourd'hui, chers jeunes musulmans, vous vivez sous l'étendard et sous la bannière du tawhid, la bannière du monothéisme, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعليكم أن تحافظوا على هذه النعمة. Donc vous devez préserver ce bienfait. وأن تدرسوا كتب السلف. Et vous devez étudier les livres des salaf, des pieux prédécesseurs. وأن تدرسوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et vous devez étudier les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa kutub ad-da'wah as-salafiyyah, et les livres de la da'wah salafiyyah, kutub Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, wa talamidhihi, wa madrasatihi al-qa'imati 'ala al-Islam al-haq, wa al-qa'imati 'ala al-manhaj as-salaf as-sahih. Donc, les livres de Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab et de ses élèves, et son école, qui a été fondée sur quoi ? Sur l'islam authentique, qui a été fondé sur la voie des pieux prédécesseurs authentiques. التي شوهها أعداء التوحيد المنافحون عن الشرك والمنافحون عن البدع. Ce prêche, cette da'wa qui a été salie. نعم. Cette da'wa qui a été salie par les ennemis du tawhid, les ennemis du monothéisme, et par les, ceux qui défendent le shirk, ceux qui défendent le polythéisme, et qui défendent les innovations. فَأَوْسَعُوا هَؤُلَاءِ ظُلْمًا وَرَمَوْهُمْ بُغْتًا بِأَنَّهُمْ كَذَا وَبِأَنَّهُمْ كَذَا حَتَّى جَعَلُوا مِنْ عَلَامَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يُبْغِضُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَذَبُوا. Et ces gens-là, qui, les ennemis du tawhid, les défenseurs du shirk et de l'innovation, ils se sont élargis dans l'injustice envers les gens du tawhid et les ont accusés en mentant sur eux qu'ils sont ainsi et qu'ils sont ainsi. Jusqu'à ce qu'ils ont dit que parmi les signes de ces gens-là, parmi les signes des gens du Tawhid, c'est quoi ? C'est qu'ils détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont menti là-dedans. فَلَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا مَنْ يَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي عَقِيدَتِهِ وَفِي عِبَادَتِهِ وَفِي تَعَامُلِهِ وفي سيرته وفي أخلاقه هذا الذي يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. Ils ont menti. Nul n'aime le messager d'Allah si ce n'est celui qui suit le livre d'Allah et qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa croyance, dans ses adorations, dans son comportement, dans sa vie, dans ses relations. C'est celui-là qui aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Comme Allah سبحانه وتعالى a dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: Si toutefois vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est grand pardonneur et très miséricordieux. ونحن والله نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. Et nous, par Allah, nous croyons avec certitude que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم est la meilleure des créatures. لقد سألني سائل وهو معي في السيارة في أثناء الطريق. Un homme m'a demandé, alors qu'il était avec moi en voiture, il m'a dit: يا شيخ. Il m'a dit: oh شيخ. قلت نعم. Je lui ai dit oui. قال: ما رأيك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Il m'a dit: que penses-tu, ou quel est ton avis sur la prière, yani quel est ton avis sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa kana qad marra alayhi thalath sinin wa huwa yara manhaj hadhihi al-jami'a wa annahu qa'imun 'ala al-kitabi was-sunnah wa annahu 'ala manhaj as-salaf as-salih وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم الحب الذي لا نظير له بل يرى المنصف الحب على غير هذا المنهج دعاوى فارغة وأن الحب الحقيقي إنما يتمثل عند حملة هذا المنهج أقول فصدمت من سؤاله وكدت أن أسرع شيخ الله là il explique, il dit par rapport à cet homme qui lui a posé cette question, quel est ton avis sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh il dit, alors que cet homme, il avait passé 3 ans ici et il avait vu le programme de cette université, l'université de Médine, et qu'il est fondé sur quoi? Sur le Coran et la Sunna, et sur la voie des pieux prédécesseurs, et sur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour sans équivalent. Et toute personne objective, il voit que ceux qui prétendent que ces programmes, que ceux qui ont mis ce programme n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voient que ce sont des prétentions vaines, qui n'ont aucune preuve. Et que le véritable amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est représenté chez les gens qui quoi? Qui suivent cette voie, la voie des salafs. Donc ensuite, Cheikh il dit, donc, j'ai été troublé et j'ai été choqué par sa question. Et j'ai failli perdre connaissance. فَقُلْتُ أَمَا تَتَّقِ اللَّهِ. Donc je lui ai dit, Cheikh il dit, je lui ai dit, ne crains-tu pas Allah? أَتَعْتَقِدْ فِينَ أَنَنَا نُبْغِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Est-ce que tu crois, est-ce que tu as comme conviction que nous détestons le messager d'Allah, وَنُحَرِّمُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ, et que nous interdisons de prier sur lui? مَا هَذَا يَا أَخِي. Qu'est-ce que c'est que cela, cher frère? Donc il lui a dit, Cheikh, il dit, tu as vécu 3 ans dans cette université. Tu as vécu 3 ans dans cette université et tu as connu son programme et tu as connu tu as connu son programme et tu as connu les gens qu'il y a dans cette université en détail. Et aujourd'hui, tu viens poser cette question? Tu viens poser ce genre de question? Malheur à toi. Tu m'as dit, هل تعرف كتاب صارم المسلول? Est-ce que tu connais le livre صارم المسلول? قال لا. Il m'a répondu non. قلت كتاب صارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. Je lui ai dit, le livre As-Sarim al-Masloul sur celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, allafahu ibn Taymiyyah fi bayan huquq rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bayan hukm man yashtamu hadha ar-rasul al-karim alayhi salatu wa salam. Donc ce livre a été écrit par Ibn Taymiyyah pour expliquer les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour expliquer la sentence de celui qui insulte ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna jaza'ahu al-qatl wa lautab. Et que, et Cheikh al-Islam dans ce livre, il explique que celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sentence, sa sentence est l'exécution même s'il s'est repenti. فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ هَذِهِ التَّوْبَةُ تَوْبَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans ce livre, il dit que donc, celui qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa sentence, c'est l'exécution, même s'il se repentit, que son repentir, il n'est pas accepté pour nous, mais que son repentir, il lui vaut, entre lui et Allah. Son repentir, il lui est bénéfique, entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. قلت هذا الكتاب الذي لم يكتب مثله في هذا الباب. Et donc je lui ai dit, ce livre, dont aucun autre livre, il n'y a pas été écrit un livre meilleur que celui-là dans ce domaine. Donc c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a écrit ce livre pour expliquer les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sentence de celui qui l'insulte. Et donc Cheikh là par là, il veut dire que comment ça s'appelle? Donc là Cheikh, il veut dire que ce livre qui fait partie donc des livres de référence chez les salafis, il montre bien que les salafis aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne permettent à personne d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de le détester. ثم قلت له وهل تعرف جلاء الافهام او جلاء الافهام في الصلاه على خير الانام لابن القيم رحمه الله. Puis je lui ai dit, est-ce que tu connais le livre جلاء الافهام en ce qui concerne la prière sur la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam, qui a été écrit par Ibn al-Qayyim? قال لا. Il m'a répondu, non, je ne connais pas ce livre. قلت هذا الكتاب لم يكتب في هذا الباب مثله في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce livre, il n'y a pas un livre meilleur que lui qui a été écrit dans ce domaine en ce qui concerne la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم. وقد حاول السخاوي وغيره أن يكتب مثله فما لحقه. Et السخاوي et d'autres ont essayé d'écrire un livre semblable, mais ils n'ont pas réussi à atteindre ce livre-là qui a été écrit par Ibn al-Qayyim. هذا في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواعها. نحن ندين الله بما في هذين الكتابين. Donc, Cheikh il dit, ce livre donc, qui concernant le mérite de la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم et toutes les formes de prières que l'on peut faire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Cheikh il dit, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala conformément à ce qu'il y a dans ces deux livres. Wa nahnu wallahi nuhibbu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akthar minkum. Et nous, par Allah, nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que vous. Wa hadha al-maydan lil-ikhtibar. من يأخذ بأقوال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من يأخذ بهديه من يأخذ بسنته من يأخذ بعقيدته. Et c'est ici qu'est l'épreuve. C'est ici qu'est l'épreuve. Qui vraiment prend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui vraiment suit sa guidée? Qui vraiment suit sa sunna? Qui vraiment est sur la même croyance que lui? ثم قلت بالله ما رأيك يا أخي في رجل جاء إلى بلد تعبد فيه القبور والأشجار والأحجار ولا تقام فيه الصلاة ولا تؤدى فيه الزكاة والفوضى فيه سائدة ضاربة أطنابها يسفك بعضهم دماء بعض ويسطو بعضهم على بعض ثم جاء هذا الرجل وانتشل هذا المجتمع مما هو فيه من الضلال العقائدي والفكري والسياسي والاجتماعي وأقام هو وأنصاره دولة تحكم بشريعة الله وعلى عقيدة إسلامية أهذا مصلح أو مفسد. Ensuite Cheikh il dit qu'il a dit à cet homme là avec qui il était en voiture, il a dit, je te demande par Allah, que penses-tu, cher frère, que penses-tu d'un homme qui est arrivé dans un pays dans lequel les tombeaux étaient adorés, ainsi que les arbres et les pierres? Les prières n'étaient pas effectuées correctement. la zakat n'était pas, les gens n'acquittaient pas la zakat. Dans ce pays, il y avait un grand désordre. Les gens faisaient couler le sang des uns, les uns faisaient couler le sang des autres. Et les uns étaient injustes envers les autres. Puis cet homme est venu et il a sorti cette société, il a sorti ce peuple de ce dans quoi il était comme égarement, que ce soit dans la croyance, dans la pensée, dans la politique ou dans la société. Et lui, à ce que ceux qui l'ont secouru, ils ont fondé un pays qui juge avec la loi d'Allah et qui est basé sur quoi? Sur la croyance islamique authentique. Est-ce que cette personne-là, c'est un réformateur ou un corrupteur? Qala innahu muslih. Il a répondu, mais nous disons que c'est un réformateur. Qultu lahu inna hadha Muhammad ibn Abd al-Wahhab الذي انطلقت من دعوته بمثل نعم الذي انطلقت من دعوته بمثل هذا السؤال. Eh bien cet homme là نعم c'est Mohammed ibn Abd al-Wahhab, celui نعم dont ta question a émané. Celui dont ta question a émané par rapport à sa da'wa. فقال استغفر الله استغفر الله ثم جعل يسجل اسماء الكتب التي ذكرتها له. Puis après cet homme à la fin il a dit je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Puis il a noté les noms des livres que je lui avais cités. الشاهد ان الدعوه شوهت ولا تزال تشوه. En résumé, Cheikh il dit, en gros, certes, la da'wa salafia authentique, elle est salie. Naam. Elle a été salie et elle ne cesse d'être salie. Walakin naqulu lahum baynana wa baynakum kitabullah wa baynana wa baynakum sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa baynana wa baynakum ما دونه السلف الصالح من عقائد وعبادات وغيرها. Donc nous disons à ces gens-là, entre vous, entre nous et vous, nous disons à ces gens-là, entre nous et vous, il y a le livre d'Allah, et entre nous et vous, il y a la sunna du messager d'Allah, et entre nous et vous, il y a ceux que les pieux prédécesseurs ont inscrits dans des livres, comme ceux que les pieux prédécesseurs ont inscrit dans les livres, comme croyance et comme adoration et autres. فمن ينازع في هذا المذهب وهذا المنهج وأنه الحق. Donc qui ose remettre en question cette voie, qui ose remettre en question cette méthodologie et que c'est la vérité. فلله الحمد هذا كتاب الله قائم يميز بين المحق والمبطل ومنهج السلف الصالح يؤكد ذلك. Donc Cheikh il dit la louange entière est à Allah, ceci est le livre d'Allah qui vient, pourquoi? Pour distinguer entre celui qui est dans le vrai et celui qui est dans le faux. Et la voix des pieux prédécesseurs vient pour confirmer cela. Wa as'alullah tabaraka wa ta'ala lana wa lakum ayyuha ash-shabab an yuwaffiqana wa iyyakum liittiba'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa suluki manhaji al-khulafa'i ar-rashidin wa suluki tariqi al-a'immati al-mahdiyyin fi 'aqa'idina وفي عباداتنا وفي أخلاقنا وفي سياستنا وفي علاقتنا. Ensuite Cheikh il dit je demande à Allah pour nous et pour vous-même, ou vous les jeunes, je lui demande de nous accorder à tous le suivi du messager d'Allah et le suivi de la voie des califes bien guidés et le suivi de la voie des grands imams bien guidés, que ce soit dans nos croyances, dans nos adorations, dans nos comportements, dans notre politique et dans nos relations. Ensuite, donc, Cheikh, il termine donc cette conférence en disant: wa nasihati al-akhira lakum an tattahidu ala manhajillah. Donc mon conseil, mon dernier conseil pour vous, c'est que vous vous unissiez et vous vous unifiez sur la voie d'Allah. Wa an yakuna lakum mawqifun shar'iyyun tijaha kulli manhajin yukhalifu hadha al-manhaj. Et que vous ayez une position conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de toute voie qui contredit cette voie, la voie d'Allah. Faqad dhakara Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu al-ijma'a 'ala wujub at-tahdhir min ahli al-bid'ah wa turuqihim. Certes, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres ont rapporté le consensus des savants sur l'obligation de mettre en garde contre les gens d'innovation et de leur voix. لِأَنَّنَا إِذَا سَكَتْنَا وَجَامَلْنَا أَهْلَ الْبِدَعِ فَإِنَّهُ سَتَكُونُ النَّتِيجَةُ الْمُرَّةِ هِيَ دَيَعُ الْأُمَّةِ. Car si nous taisons sur les gens d'innovation et que nous usons de complaisance avec eux, eh bien certes, l'amer résultat de cela sera quoi? Sera la perdition de la communauté. وَقَدْ حَصَلَ مِنْ هَذَا الشَّيُّ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ. Et il est déjà arrivé de cela beaucoup de choses. فَإِلَى النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَإِلَى التَّمَسُّكِ بِمَنْهَجِ اللَّهِ وَالْعَضْدَ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ. Et également, je vous conseille d'être sincère envers Allah, son livre, son messager, les dirigeants musulmans, ainsi que la masse des musulmans, tout comme je vous conseille de vous accrocher à la voie d'Allah fermement. وَفَّقَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِذَلِكَ وَثَبَّتَنَا عَلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَحَقَّقَ بِنَا وَبِكُمُ الْآمَالِ إِنَّ رَبَّنَا لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Qu'Allah nous accorde à tous cela et qu'il nous affermisse sur son droit chemin et qu'il concrétise par nous et par vous nos espérances. Certes, notre Seigneur est celui qui entend et exauce les invocations, et que la prière et la bénédiction soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et c'est ainsi que se termine la traduction de cette conférence de Cheikh Rabi', et nous vous tiendrons au courant bi'idhnillahi ta'ala des prochains cours. Et comme je vous ai déjà dit que bi'idhnillahi ta'ala, d'ici un mois, nous allons commencer l'explication de la croyance des gens de la Sunna et du groupe sauvé de Cheikh Ben Bez rahimahullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.